Ignorant, j'attends le temps qui me reste avant de partir. D'ici là, je dois pour toi t'empêcher de souffrir. Dans mon silence, ton absence, dans mes souvenirs, tes sourires. Je t'ai vu arriver avec les étoiles du Nord. Je t'ai vu danser faisant l'amour aux accords. Tes mains sont plus douces encore que la poussière d'or. Oh, oh, ton regard, tes yeux qui me poussent et m'éloignent de la mort. J'ai jamais été un ange de la lune à la terre. J'ai vécu tant de souffrances dans la brume, mes misères. Wow, wow, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Na, na, na, na, na, na, na. Yeux qui me poussent et m'éloignent de la mort.